démontreur de vertu vient de s'arrêter pour boire. Devant les bûchers, les prophètes ont crié, brûlé tous les étendards. Avec les mots qu'ils disaient sans comprendre, on leur a fait les linceuls pour s'étendre. Et moi qui étais venu là pour les entendre, j'ai compris qu'il était tard, je suis rentré. Mais les plombiers venaient de piéger ma chambre à l'hôtel de la déroute. Et c'est le diable en personne qui est venu m'apprendre à payer le prix que ça coûte. Les statues des philosophes aux yeux peints. Derrière l'église, il guette un air d'harmonium. Dans sa valise, il cache un vieux métronome. La pauvre Élise lui dit, c'est tout ce que tu me donnes. Et y'a personne ici pour lui dire son chemin. Alors il me demande si c'est encore loin, l'hôtel de la déroute. Et moi, mystérieusement, je lui réponds, tu sais le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y a les poutons de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Cloche de la mission qui résonne dans ton cinéma. Tu maudis tes passions, tu dis qu'on change rien tant qu'on se change pas. Quand je t'écoute, j'entends que des mots d'ordre. Quand je te touche, tu dis pas de désordre. Quand je dis j'ai pas de camp, tu veux me mordre. T'as jamais pu accepter mon chaos. J'arriverai bien avant toi à l'hôtel de la déroute. Moi je sais pas très bien ce que ça prouvera. Faut toujours payer le prix que ça coûte. Chiquita, Chiquita, laisse-moi dormir dans tes bras. Y'a les pointins de l'apocalypse qui ont voulu me faire voir trop d'éclipses et j'ai froid. Chiquita.